J'étais un tout petit marchand de pilules. Je gagnais tant bien que mal un petit pécule. Mais un beau jour j'ai rencontré des nuls qui ne demandaient pas mieux qu'on les encule. Presque pas ils ne bougeaient, de presque de tout ils mangeaient. Des grasseries ils raffolaient et dans le tabac ils se vautraient. C'est alors que j'ai fait fortune comme fournisseur principal et préféré. Des centaines, des milliers de nuls, tous boulimiques de mes petites pilules. Presque pas ils ne bougeaient, de presque tout ils mangeaient. Des grasseries ils raffolaient et dans le tabac ils se vautraient. Bienvenue au cimetière. Bienvenue au cimetière.